Nombre chapitre 2. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, en disant, les enfants d'Israël camperont chacun sous sa bannière, avec les enseignes des maisons de leur père, tout autour du tabernacle d'assignation, vis-à-vis de lui. Ceux de la bannière de la compagnie de Juda camperont droit vers le levant, par ses troupes, et Naasson, fils de Aminadab, sera le chef des enfants de Juda. Et sa troupe et ses dénombrés, 74 600. Près de lui campera la tribu d'Issachar, et Nathanaël, fils de Tsuar, sera le chef des enfants d'Issachar. Et sa troupe et ses dénombrés, 54 400. Puis la tribu de Zabulon, et Eliab, fils d'Élon, sera le chef des enfants de Zabulon. Et sa troupe et ses dénombrés, 57 400. Tous les dénombrés de la compagnie de Juda, 186 400, par leurs troupes, partiront les premiers. La bannière de la compagnie de Ruban, par ses troupes, sera vers le midi, et Elitsur, fils de Sédéur, sera le chef des enfants de Ruban. Et sa troupe et ses dénombrés, 46 500. Près de lui campera la tribu de Siméon, et ses Lumiel, fils de Tsurizadaï, sera le chef des enfants de Siméon. Et sa troupe et ses dénombrés, 59 300. Puis la tribu de Gad, et Eliasaph, fils de Deuel, sera le chef des enfants de Gad. Et sa troupe et ses dénombrés, 45 650. Tous les dénombrés de la compagnie de Ruban, 151 450, par leurs troupes, partiront les seconds. Ensuite le tabernacle d'assignation, partira avec la compagnie des Lévites, au milieu des compagnies qui partiront selon qu'elles seront campées, chacune en sa place, selon leur bannière. La bannière de la compagnie d'Ephraïm, par ses troupes, sera vers l'occident, et Elisama, fils de Amu, sera le chef des enfants d'Ephraïm. Et sa troupe et ses dénombrés, 40 500. Près de lui campera la tribu de Manassé, et Gamaliel, fils de Pédatsur, sera le chef des enfants de Manassé. Et sa troupe et ses dénombrés, 32 200. Puis la tribu de Benjamin, et Abidan, fils de Guildoni, sera le chef des enfants de Benjamin. Et sa troupe et ses dénombrés, 35 400. Tous les dénombrés de la compagnie d'Ephraïm, 108 100, par leurs troupes, partiront les troisièmes. La bannière de la compagnie de Dan, par ses troupes, sera vers le septentrion, et Aézé, fils de Amizadaï, sera le chef des enfants de Dan. Et sa troupe et ses dénombrés, 62 700. Près de lui campera la tribu d'Azé, et Pagel, fils de Ocran, sera le chef des enfants d'Azé. Et sa troupe et ses dénombrés, 41 500. Puis la tribu de Nephtali, et Aïra, fils d'Enan, sera le chef des enfants de Nephtali. Et sa troupe et ses dénombrés, 53 400. Tous les dénombrés de la compagnie de Dan, 157 600, partiront les derniers des bannières. Ce sont là ceux des enfants d'Israël, dont on fit le dénombrement selon les maisons de leurs pères. Tous les dénombrés des compagnies, selon leurs troupes, furent 603 550. Mais les Lévites ne furent point dénombrés avec les autres enfants d'Israël, comme l'Éternel avait commandé à Moïse. Et les enfants d'Israël firent selon toutes les choses que l'Éternel avait commandé à Moïse, et campèrent ainsi selon leur bannière, et partirent ainsi, chacun selon leur famille et selon la maison de leur père.